Extrait de Le miroir déformant, essai sur les représentations collectives véhiculées par la langue en archipel. On désigne par membre de l'autorité, dans le langage courant, l'ensemble des personnes supposées prendre en charge les affaires de l'État, la distribution des ordres, le traitement de l'information. L'étude du vocable autorité, en résonance multiple, nous permettra d'envisager les différents effets que nous avons dégagés plus haut, l'effet d'amalgame, l'effet infantilisant et l'effet de fracture. Le terme d'autorité est toujours utilisé au singulier, ce qui semble prêter tout d'abord une cohérence au concept qu'il désigne. On sait pourtant, de sources à peu près sûres, que les instances du pouvoir de l'archipel sont plurielles, que la distribution des ordres, par exemple, est gérée au niveau local, tandis que le traitement de l'information est géré au niveau national. Ce que reflète cette utilisation systématique du singulier, c'est précisément l'effet d'amalgame. L'absence de mots pour désigner ces différentes réalités conduit tout naturellement à une représentation simplifiée et fausse de la véritable situation de pouvoir. L'autorité est perçue comme un tout opaque et non comme un fonctionnement analysable. Cette autorité devient le sujet unique de tous les actes de pouvoir et il ne vient pas à l'esprit de remettre en cause sa cohésion parce qu'elle n'est qu'un seul mot et par conséquent une seule chose indivisible. Cet amalgame entre les diverses factions dirigeantes facilite, bien entendu, par le mécanisme précédemment décrit, le processus d'infantilisation. Le tout opaque, dont nous avons parlé, est le point de cristallisation privilégié pour la symbolisation. Au niveau lexical, le mot « autorité » renvoie à plusieurs champs. En politique, il désigne, souvent au pluriel, les instances gouvernementales de jugement et de répression. Dans les arts et les lettres, faire autorité signifie représenter un modèle. Dans la vie courante, avoir de l'autorité signifie assumer son rôle de maître. Si l'on ajoute à cela l'utilisation systématique de la majuscule, qui cette fois nous renvoie à un contexte religieux, le nom de Dieu, dans les monothéismes est toujours écrit avec une majuscule, on voit que la cohérence symbolique est totale. Les notions de jugement, de répression, de modèle, de maître, de Dieu, sont psychanalytiquement associées au Père. L'amalgame opéré est donc le support d'une opération, dans l'inconscient collectif, qui vise à faire fonctionner l'autorité comme un père dont tous les habitants de l'archipel seraient les enfants. D'où, et cela sera le dernier effet envisagé pour l'instant, l'effet de fracture. La question qui se pose en effet après avoir identifié l'autorité au père est celle de savoir de quel père il s'agit. Une remarque vient tout de suite à l'esprit. Le mot « autorité » est un nom commun, en l'occurrence érigé en nom propre, ce qui tend à faire de ce père symbolique un père abstrait, un père principiel. Et cela est capital, car c'est à travers cette dépersonnalisation, ou plutôt cette impersonnalité, que se glisse l'effet le plus pervers de cette manipulation. Ce père, opacifié par le singulier, divinisé par la majuscule, abstractisé par le nom, est en effet avant tout un père transcendant, et qui dit transcendance dit aussi absence de contact et donc absence d'opposition possible. Ce père est par définition celui contre lequel on ne peut rien. L'autorité est représentée comme une entité à la fois fondatrice, répressive et surtout hors d'atteinte, et un examen linguistique rapide suffit à démonter le mécanisme de cette représentation. Melchior avait lu le texte, comme on lit certaines lettres capitales, le cœur battant et l'intelligence suspendue, frappé avec plus de violence par l'acte même de l'émission que par un contenu secondaire. Il avait d'ailleurs remis à plus tard la réflexion attentive qu'il devrait consacrer à ces lignes, parce qu'il se savait pour le moment incapable de rationalité. Il avait besoin de temps pour diriger l'improbable, les normes nouvelles. On s'efforçait de lui faire parvenir des informations. Il en était maintenant intimement persuadé, ces textes ne lui étaient pas envoyés par hasard. Il prit connaissance de ses ordres machinalement et décida de s'en acquitter sur le champ. On le priait de rendre une visite improvisée à Gautier. C'était là le genre d'ordre dont Melchior supposait qu'il ne servait à rien d'autre qu'à rappeler aux gens qu'ils n'étaient pas libres et à maintenir dans les relations sociales la densité de méfiance et d'artifice sans laquelle le système s'effondrerait. L'autorité avait sans doute besoin de cette étoffe insignifiante pour y broder par la suite ses propres motifs. Il quitta le palais à la hâte, sans prendre la peine de prévenir ses sœurs, qui étaient du reste habituées à l'intermittence de sa présence et qui ne l'obligeaient plus depuis longtemps à respecter le protocole qu'elles respectaient l'une envers l'autre. Il marcha d'un pas rapide et nerveux, animé d'une hâte irraisonnée de retrouver Gauthier, comme si des réponses à ses questions allaient jaillir à leur rencontre. Il parvint au manoir en un temps qui lui parut ridiculement court, conscient de se trouver dans un état mental totalement inadéquat. Il pensa à rebrousser chemin, mais Gauthier et Clara, de deux points différents du jardin, l'avaient déjà aperçu, et telles deux araignées patientes et désœuvrées, ils se dirigeaient vers lui pour l'accueillir. « Melchior !» cria Gauthier de loin, d'une voix puissante et assez impressionnante. « J'allais me chercher un café, vous en prendrez ?»« Volontiers !» cria Melchior. Gauthier disparut dans la maison, par l'une des innombrables portes-fenêtres. Clara se hâtait vers Melchior, depuis le cœur d'un petit labyrinthe en buis qu'il n'avait pas remarqué la première fois. « Bonjour !» dit-elle alors qu'elle était encore trop loin pour engager une conversation normale. Il s'inclina avec un sourire où se mélangeaient la surprise et l'enchantement que les hommes feignaient d'éprouver à la vue des jeunes filles. Nils lui-même ne la regardait jamais ainsi. Ce ravissement absolu, dans l'expression de cet homme, était pour elle empreint de mystère. Mais plutôt que d'y voir un artifice grossier, elle préférait le comprendre comme l'effet d'une révélation particulière et exclusive. « Vous me faites penser à une prêtresse antique, occupée à des rituels mystérieux et complexes. » dit-il en souriant. « Qu'étiez-vous en train de faire ?»« Je taillais seulement le buis du labyrinthe, » dit-elle en souriant aussi, avec humilité. « Qui cherchez-vous à prendre au piège ?» Elle baissa les yeux. « J'ai toujours aimé les labyrinthes. Il me semble qu'ils symbolisent la vie. J'aimerais que mon existence ressemble à un labyrinthe dont la gardienne serait aussi belle. » Elle se sentit enivrée par le compliment, par l'accent caressant de la voix de Melchior, par le ton de la conversation et son jeu de double sens qui lui paraissait infiniment esthétique. « Je crois, dit-elle, que depuis l'Antiquité, les hommes se perdent dans les labyrinthes, tandis que les femmes s'y retrouvent. Pensez-vous qu'il en soit de même dans la vie ?» Elle éclata de rire. « Il serait impoli de ma part de répondre par l'affirmative. Ce sera faire insulte à votre sexe. Alors laissez-moi vous faire part de mon avis. Je crois que les femmes sont des sorcières. » qui amende des charmes contre lesquels les hommes n'ont aucune arme. Le labyrinthe est construit par la femme pour que l'homme s'y perde. Il pourrait sans doute en trouver l'issue s'il le voulait vraiment, mais je le soupçonne de n'en avoir pas envie. Alors le labyrinthe n'est plus une métaphore de la vie, mais une métaphore de l'amour. Gauthier approchait, maladroit, avec les deux tasses qu'il portait à la main. « Vous ne devriez pas faire la cour à ma fille, Melchior, » dit-il d'un ton plaisant. « Nous dissertions sur le symbolisme des labyrinthes, » répondit Melchior. « Qu'est-il de mal à cela ?» Gauthier sourit à sa fille, la considérant comme s'il la redécouvrait soudain. « Clara, ma chérie, va donc jouer un peu de piano pour nous. Notre conversation en sera d'autant plus agréable. » Clara hésita un instant et regarda Melchior pour s'assurer qu'il lui donnait son assentiment. « Le regret que me causera votre éloignement sera compensé par l'intérêt que je prendrai à la musique qui jaillira de vos mains. » dit-il. Elle s'inclina légèrement, et les deux hommes la regardèrent partir, excessivement conscients tous les deux de la grâce qui émanait d'elle en cette situation d'obéissance. Il vint à l'esprit de Melchior que Gauthier avait souhaité lui faire la démonstration, au demeurant éclatante, de l'adorable humilité de sa fille. L'attitude de la jeune fille et celle de son père convergeaient pour faire naître une ambiguïté dont Melchior décida qu'il devrait la faire durer le plus longtemps possible, parce qu'elle lui semblait providentiellement favorable. Une femme amoureuse et un homme cherchant à faire de lui son gendre représentaient deux sources d'informations plus que considérables. La compagnie de votre fille m'a miraculeusement reposé. En 5 minutes, ma nervosité s'est dissipée. « Ah !» dit Gauthier en riant. « C'est à cela que l'on reconnaît les perles rares. Mais dites-moi, j'espère qu'il n'y a rien arrivé. Vos sœurs se portent bien ?» Oui, oui, merci, il n'y a rien de grave. En fait, c'est seulement une question que je me pose depuis un certain temps et qui ne me laisse pas en paix. Peut-être pourrais-je essayer d'y répondre. Mais venez, asseyons-nous ici. Je dis toujours qu'il n'est pas utile d'avoir aménagé tous ces coins tranquilles pour ne jamais s'y installer. Melchior l'accompagna sur quelques pas jusqu'à un banc de pierre, et tandis qu'il portait les lèvres à son café brûlant, une sonnette rapide, déliée, assourdie par la distance, éclata. « Je vous préviens, » dit Melchior, « c'est une question que je me pose au sujet de l'autorité. » Gauthier, ayant été distrait par la musique, qui véhiculait vaporeusement la perfection de sa fille, prit un air de circonstance concerné et sérieux. « Je comprendrais tout à fait, » reprit Melchior, « que vous préfériez éviter le sujet. »« Du tout, cher ami, du tout. Il ne me paraît pas dissident, entre hommes intelligents, d'échanger quelques propos rationnels sur un sujet qui nous touche d'aussi près. » Le ton était donné, et Melchior réajusta ce qu'il s'apprêtait à dire pour se garantir d'une parole déplacée. Il était possible que Gauthier fût un membre de l'autorité. Il était possible qu'il ne sût absolument rien de la question. Il était possible enfin qu'il fût un dissident. Ces trois hypothèses, toutes présentes à son esprit, réduisaient le champ de son action. « Vous m'inspirez confiance, » dit Melchior. « C'est pourquoi je me permets de m'ouvrir à vous. » En fait, j'en suis arrivé à penser que chaque communauté avait son propre chef. Gauthier demeura impassible. « Vous voulez dire que parmi les membres d'une communauté, il s'en trouverait un ou plusieurs qui donnerait les ordres aux autres ?» Melchior essayait de dissimuler l'acuité de son regard et la frustration que lui inspirait le sang-froid de son hôte. « Oui, » dit-il posément, « c'est à peu près cela. Vous trouvez que l'idée est absurde ?» Gauthier regardait ailleurs, pesant sans doute minutieusement sa réponse. « Non, » finit-il par dire. « C'est une idée qui m'a déjà traversée, mais qu'est-ce que cela change ?» Melchior eut un sourire franc. « Pas grand-chose, je vous l'accorde, puisque nous sommes tous susceptibles d'assumer cette fonction. Mais j'avoue que je suis soulagé de vous entendre dire que l'idée n'est pas absurde. Il y a des moments dans la vie où l'on est taraudé par ce genre de questions. J'ai connu ça. Et je pense qu'on a besoin d'en passer par là pour se construire sa propre vision du monde. Mais voyez-vous, avec l'âge, on s'intéresse à autre chose, où on se rend compte qu'il existe des valeurs plus fertiles, bien sûr. » Melchior songea qu'il n'échapperait pas maintenant à l'exposé d'une philosophie paternaliste et se résigna à y prêter le flanc. « Je pense que je me trouve à un tournant de ma vie, » dit-il. « C'est pourquoi ces questions reviennent à la charge et j'éprouvais le besoin d'en parler avec quelqu'un. » Gauthier sourit. « Je suis touché par votre confiance qui m'honore. Et si je peux me permettre un conseil, essayez de répondre votre mieux à toutes vos questions et puis oubliez-les. » Melchior prit un air modeste et songeur, regarda un instant dans le vague et dit en changeant de ton « Les sonnettes de votre fille sont à son image, délicates, subtiles, légères, un élixir de jouvence et d'oubli.